Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le Seigneur. Toi qui es toujours malade, viens à Jésus le Seigneur. Si tu rencontres Jésus, il te guérira de ta maladie. Toi qui es toujours malade, viens à Jésus le Seigneur. Si tu rencontres Jésus, il te guérira de ta maladie. Toi qui as toujours des problèmes, viens à Jésus le Seigneur. Si tu rencontres Jésus, il te donnera la solution. Toi qui as toujours des problèmes, viens à Jésus le Seigneur. Si tu rencontres Jésus, il te donnera la solution. Toi qui es toujours enchaîné, viens à Jésus le Seigneur. Si tu rencontres Jésus, il brisera tes chaînes. Toi qui es toujours enchaîné, viens à Jésus le Seigneur. Si tu rencontres Jésus, il brisera tes chaînes. Viens à Jésus le Seigneur. Viens à Jésus le